Lorsque vous consacrez un domaine de votre vie au Seigneur selon les modalités bibliques, Jésus lui-même a été consacré 8e jour après sa naissance. Et il a toujours vaincu, il a toujours eu le dessus sur tout ce qui voulait le tuer pendant l'exercice de son ministère. Là, nous parlons de Jésus. Il a consacré, il a posé un rite tout à fait spirituel, exigé par la loi de Moïse. Et pourtant, il était né sous la loi. Jésus, il était né sous la loi. Il a obéi, il a mis en pratique toutes les exigences de Dieu. Et ça a été salutaire pour son ministère. Après la sortie de son jeûne de 40 jours, quand il devait débuter son ministère, Jésus-Christ affronta donc le diable. Directement le diable, Matthieu chapitre 4, la Bible dit, il a vaincu le diable avec cette parole, avec ce qui est sorti de sa bouche, parce que dès le début de son ministère, il n'a pas commencé son ministère sans toutefois le consacrer. Il n'a pas commencé son ministère sans toutefois le consacrer. Donc nous parlons de consécration, cette fois-ci, de consécration, très important. Nous allons d'abord commencer par l'Ancien Testament. Et la Bible dit, l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré. Comme de nos jours, nous consacrons également les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, dès le début de son ministère, il doit être consacré. Oui, mais ça veut dire que dès le début de toute activité dans ta vie, si tu es chrétien de nouveau, cette activité doit aussi être consacrée. Est-ce que ton entreprise a été consacrée? Est-ce que ton mariage avant de se marier a été consacré? Est-ce que ta santé, puisque tu as reçu le Seigneur, ta santé a-t-elle été consacrée? Et aussi tes relations, pas les relations païennes, les relations dans les affaires ont-elles été consacrées? Et c'est par là que le diable, les démons, les esprits impurs parviennent à décrocher vos bénédictions, à les détruire, puisque Jésus a averti en disant « Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, et lui, il vient pour donner la vie. » Quand il vient pour donner la vie, il vient, il donne la vie à 50%, et les autres 50%, c'est vous, ce qu'on appelle la mise en pratique de la parole. Il s'agit alors de quelle parole que nous devons mettre en pratique, c'est ça le problème. Quelle parole que nous devons mettre en pratique. Et la parole est basée sur la révélation. Ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu, mais ce qui donne la puissance, ce qui donne à la parole, c'est la révélation qui vient du Saint-Esprit. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce chant sera consacré à l'Éternel comme un chant qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur, consacré à l'Éternel. On rencontre toujours le mot consacré. Donc, le sacrificateur évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme payera le jour même le prix fixé comme étant consacré. Le mot consacré arrive des dizaines de fois dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsqu'il dit tout ce que qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Lorsque la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 12, la parole de Dieu dit « Donne ton corps comme un sacrifice », c'est une consécration. Ton corps veut dire également, lorsque Dieu nous demande de donner notre corps comme un sacrifice, c'est tout simplement consacrer chaque domaine de ma vie au Seigneur. Chaque domaine de mon être, mon esprit, mon âme et mon corps physique. Eh bien, nous savons que chaque domaine de nos vies sont chacun de nos domaines dans nos vies est attaqué. Il dit, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Je ne pense pas qu'il a changé de vision. Il dit tous les premiers-nés. Et Jésus-Christ, la Bible précise qu'il est le premier-né. Ça ne veut pas dire qu'il a été créé comme les autres. Mais la parole de Dieu qui s'est faite chair, la parole de Dieu qui a porté la chair et qui est descendue dans ce monde, née par le canal du ventre d'une femme, engendrée par le Saint-Esprit, premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier-né, c'est-à-dire la sainteté, la sainteté. Il est né sans péché, physiquement. La première personne qui arrive dans ce monde sans péché, c'est lui, après la chute d'Adam. Parce qu'Adam, lui, il a été créé, Ève aussi a été créée. Il n'y a pas eu une personne dans ce monde née par le canal d'un rapport sexuel entre un homme et une femme et qui est née sans péché, et qui est née sans souillure, et qui est née sans malédiction adamique. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans toute l'humanité. Ça n'existe pas. Il est donc, c'est pourquoi la Bible dit premier-né. Parce que Adam n'est pas né, Adam a été créé. Ève aussi a été créée par Dieu, par le canal d'une côte, une partie de cet homme Adam. Et ils se sont unis par le canal d'un rapport sexuel, ceci après la chute. Et ils ont procréé. Mais cette procréation était déjà souillée par le péché originel, ce qu'on appelle alliance de sang. Ce péché était déjà dans le sang. Le sang d'Adam, le sang d'Ève. Les deux avaient enregistré la malédiction. Leur sang avait enregistré la malédiction quand Dieu les avait maudits depuis le jardin d'Éden. Et la première personne qui arrive, Caïn et Abel, ont été également contaminés dans le ventre. Dans le ventre de cette femme Ève, dans le ventre de avant la procréation. Donc ils sont arrivés dans le monde étant déjà souillés. Et tout être humain, à partir de Caïn, à partir d'Adam, jusqu'à toi qui m'écoutes, jusqu'à toi qui me regardes, nous sommes nés par le canal d'une union entre un homme et une femme. Et cette union a été également souillée. Et nous sommes nés étant condamnés, étant souillés. C'est pourquoi Jésus-Christ est le premier-né, dit la Bible, le premier-né dans toute l'humanité, toute la création, le premier-né, qui est né donc sans souillure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est né sans souillure, il est né sans péché originel, sans péché ancestral, sans péché personnel. Le premier-né dans toute la création, donc qui? Jésus. Et voilà pourquoi, lorsque tu reçois le Seigneur, étant déjà enfant de Dieu né de nouveau, parce qu'on ne doit pas être consacré à Dieu alors qu'on n'est pas d'abord en communion avec ce Dieu. La première communion, c'est lorsque tu reçois le Seigneur, parce qu'au départ, tu étais séparé de Dieu, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Quelqu'un qui est encore mort spirituellement ne doit pas consacrer sa vie à Dieu parce que Dieu ne te connaît pas. Et si tu es déjà né de nouveau, tu as donc tout le droit de consacrer ta vie, tes activités. Et là, lorsque tu es consacré, étant déjà né de nouveau, tu commences à consacrer tout ce qui t'appartient. Fais la liste de tout ce qui t'appartient. Je dis, fais la liste de tout ce qui t'appartient et c'est ça que tu consacres à Dieu. Il dit au départ, Romains chapitre 12, que nous allons lire, Romains chapitre 12, il précise donc au chapitre 12, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, donc à consacrer votre vie, un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les croyants doivent s'attacher pleinement à Dieu. Et ils doivent aussi consacrer toute leur vie, parce que nous avons une vie sur terre, nous avons une vie au ciel. Notre vie sur terre n'est pas basée sur le matériel. Notre vie sur terre n'est pas basée sur ce que nous ressentons, ce que nous voyons, sur le climat, sur l'environnement, sur les entreprises, sur tout ce qui est conçu comme maison, comme richesse que nous pouvons. Et c'est pourquoi Dieu dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais ce que tu ne sais pas, que tu es pauvre, puisque tu es riche matériellement, tu es riche financièrement, tu as toutes les richesses du monde, mais tu es pauvre, tu es un aveugle, tu es, selon Apocalypse chapitre 3, verset 17. C'est une personne riche. Dit-on, quand on dit dans le monde, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que je fais avec votre Dieu? Dieu, c'est pour les pauvres. Or, tu es né avec des souillures. Et ces souillures se trouvent dans ton sang. Et ça vient de ton père, de ta mère, de leurs ancêtres, de génération en génération, jusqu'à toucher la lignée d'Adam. Et pour se débarrasser de ces souillures, et tu ne dois pas commencer par consacrer ta vie à Dieu, lui qui ne te connaît pas, parce que tu es né étant séparé de Dieu, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Tu es né étant séparé de Dieu. Tu ne peux donc pas donner. C'est pourquoi la Bible dit, donne ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc, ici, lorsqu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ici, plusieurs choses. Un, nous devons réaliser que le système actuel du monde est mauvais. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40. Comme la Bible le dit au verset 40, c'est Pierre qui exhorte ses auditeurs. Il prêchait l'évangile, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Qu'est-ce qu'il appelle génération perverse? Sauvez-vous de cette génération perverse. Ça, c'est le système du monde, donc qui est donc mauvais. Vous pouvez lire également Galates chapitre 1, verset 4. Et ce système est placé sous la domination de Satan. Selon Jean chapitre 12, verset 31. Et aussi 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui dit le monde entier est sous la puissance de Satan, sous la domination de Satan. Nous, nous sommes de Dieu. Alors, qui est de Dieu? C'est la personne qui est née de nouveau. Et pour que ton argent puisse appartenir à Dieu, il faut également consacrer ton entreprise. Parce que ce sont des choses de la terre. Il faut également que ça soit consacré à Dieu. Pour que ta santé, tout ça intéresse, parce qu'on n'aura pas notre chair au ciel, il faut que ta santé soit également consacrée à Dieu. Et le diable connaît l'importance de la consécration. Dans tous les systèmes de fétichisme, de traditions, de coutumes, tu as été d'une manière ou d'une autre consacré à Satan. Les coutumes des ancêtres dans ta famille ont consacré les enfants. Dans toutes les régions du monde, dans toutes les sectes du monde, ont consacré les enfants. Allez voir dans la Rose Croix, allez voir dans la franc-maçonnerie, vous allez voir. Frappez tout simplement sur Google, vous allez voir comment ils consacrent leurs enfants. Ça, c'est une consécration chez le diable, bien sûr. Parce que là où on ne parle pas de la nouvelle naissance, c'est le diable. Le diable vient chercher quoi là-dedans? Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous appartenez à Satan. Même si vous allez dans une église, on vous avait baptisé, 2 gouttes d'eau sur la tête, ou bien même plongé dans l'eau, dans cette eau, dans un fleuve, dans une bassine, ou bien une piscine, vous avez été plongé dans l'eau, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est né de nouveau. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisé dans l'eau, plongé dans l'eau, c'est-à-dire noyé, et on vous relève. Mais ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance pour commencer. Et dans le livre de Josué, la Bible dit, Josué écrivait ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne, qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Les lieux étaient consacrés à l'Éternel. Est-ce que ta maison a été consacrée à l'Éternel? Est-ce que ton sexe, ça peut être le sexe d'un homme, ce qu'on appelle généralement le pénis, et aussi beaucoup de femmes, le sexe de la femme, est-ce que cela a été consacré à Dieu? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des problèmes parce que elle s'est convertie et certaines parties de son corps n'ont jamais été consacrées à Dieu. Et les démons continuent à utiliser son sexe, c'est-à-dire on peut prendre ton sexe dans la sorcellerie. Un sorcier dans ta famille peut utiliser ton sexe dans la sorcellerie. Et toi, tu vois ça comme un rêve, c'est-à-dire tu rêves que tu as des rapports sociaux. Or, c'est lui, quand il sort dans la nuit, dans la journée, parce qu'on a toujours pensé que la sorcellerie se pratique que dans la nuit. Non, la sorcellerie, c'est 24 heures sur 24. Quelqu'un peut être assis avec toi dans le métro, il pratique la sorcellerie. Il peut être assis avec toi dans le TGV, il pratique la sorcellerie. Il peut être assis avec toi dans n'importe quel lieu du monde, au palais présidentiel. Il pratique la sorcellerie. Il fait de toi ce qu'il veut. Là, au palais présidentiel, dans un ministère, dans une société, dans une entreprise, dans un bureau. Vous travaillez tous dans un bureau en plein jour. Mais toi, tu ne sauras jamais qu'il pratique la sorcellerie. Je dis ce que je sais. Donc, si l'une des parties de ton corps n'a jamais été consacrée à Dieu, dit identifier. Parce que quand on dit consacré, les gens disent, oh oui, j'ai donné toute ma vie à Jésus. Ah non, écoute, la vraie vie que Dieu fait allusion, c'est la vie du ciel. Quand Jésus descend, il détruit par son sang l'inimitié qui existait entre toi et Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire, il détruit le péché originel, les malédictions originelles. Ça permet au Saint-Esprit d'entrer en contact avec ton esprit, d'entrer en contact avec ton esprit humain. Parce que tu es né sans avoir une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit ne pouvait pas utiliser ton esprit, ni entrer en contact avec ton esprit. Pourquoi? Parce que ton esprit était dans une prison, ce qu'on appelle le péché originel. Et puis, avec toutes les condamnations. Et puis, après avoir reçu le Seigneur, le jour que tu identifies la présence du péché originel, et puis, tu convoques, c'est-à-dire, tu invoques le nom du Seigneur. Romains chapitre 10, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Il sera sauvé de cette condamnation. Il sera sauvé, il sera justifié. Il sera également libéré de cette condamnation adamique et aussi des malédictions adamiques que Dieu avait prononcées dans le livre de Genèse chapitre 3. Et il faut alors les identifier. Si tu ne les avais jamais identifiés, tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on t'avait plongé dans l'eau, on t'avait plongé dans l'eau que tu reçois la nouvelle naissance. Non, c'est ce qui a été dit, que si tu es baptisé, tu es né de nouveau. Et beaucoup de personnes dans les religions pensent qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils ont reçu un baptême. Non, même si ça a été un baptême dans l'eau, même si ça a été un baptême deux gouttes d'eau sur le crâne, si tu n'as pas commencé par le commencement, il te sera difficile d'entrer au ciel, il te sera difficile de consacrer ta vie à Dieu, premièrement, de consacrer ta vie parce que Dieu ne te connaît pas. Il faut que tu sois d'abord connu par Dieu parce que tu étais dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce qui est écrit dans l'Évangile. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quelqu'un qui est donc devenu enfant de Dieu, pas chrétien, je dis bien pas chrétien, on ne parle pas de chrétien. Chrétien a été donné par des hommes qui observaient à distance des chrétiens, qui avaient une marque de vie. Ça ne veut pas dire que cela, ce n'est pas une inspiration de Dieu. Tout le monde est chrétien. Même les sorciers sont des chrétiens dans les églises. Et aussi, les satanistes sont des chrétiens dans les églises. Les gens qui sont dans les religions sont des chrétiens. Tout le monde est chrétien. Malgré la multiplicité des religions que nous avons, nous sommes tous des chrétiens. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu et on devient enfants de Dieu par le canal de la nouvelle naissance uniquement. Alors, il faudrait identifier donc ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu ne sais pas ce que c'est, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Et si tu penses que c'est par le baptême, que tu es né de nouveau, mais tu te trompes, tu iras véritablement en enfer. Donc ici, dans le livre de Juges, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Qui parle? C'est un serviteur de Dieu. Dieu a fait des merveilles dans sa vie. Et il dit, la première personne, si tu me donnes la victoire, la première personne qui viendra devant moi, je consacrerai cette personne à l'Éternel. Donc, on a toujours consacré les gens. Et pourtant, la loi disait, à l'époque, la loi disait, la personne, tu dois donner ton premier fils consacré. Tu dois consacrer ton fils, tout enfant, toute personne qui naissait en Israël devait être consacrée à l'Éternel 8 jours après. Mais lui, il revient, il dit, Je veux consacrer. Il y a plusieurs façons de consacrer. Consacrer selon la loi, ce que Jésus a fait. Et puis maintenant, dans ta vie comme un sacrifice, la vie englobe quoi? Il y a ta santé dedans. Il y a l'argent. Il y a les entreprises. Il y a les relations. Il y a tout ce que nous avons sur terre. Maintenant, la vie spirituelle est obtenue par le sacrifice, parce que le jour que tu reçois le Seigneur, spirituellement, tu es consacré pour aller au ciel. Tu es réservé à Dieu pour aller au ciel. Mais au niveau de la terre, il y a des choses que le diable va continuer à gérer dans ta vie, que si tu ne fais pas attention, si cela n'est pas consacré à Dieu, beaucoup de femmes, leurs trompes n'ont jamais été consacrées à Dieu. Et c'est pourquoi les sorciers continuent à utiliser leurs trompes, à faire des enfants dehors avec. Il y a beaucoup de femmes également, leur mariage. C'est pourquoi beaucoup de filles dans le monde peuvent également voler ton mari, faire de ton mari ce qu'elles veulent. Peuvent envoûter, on peut envoûter ton mariage, on peut détruire ton mariage parce qu'il n'a jamais été consacré. À qui? À Dieu. Les sorciers vont faire de n'importe quoi avec ta femme parce que ton mariage n'a jamais été consacré. À l'intérieur du mariage, il y a beaucoup de choses. Votre vie de prière n'a jamais été consacrée à Dieu. Vos méditations bibliques n'ont jamais été consacrées à Dieu. Et également, vos relations intimes n'ont jamais été consacrées à Dieu. Et aussi, vos finances n'ont jamais été consacrées à Dieu. Vos entreprises, parce que vous avez votre vie à vous. Quand vous quittez le père, comme la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous avez déjà votre vie. Quand la fille était sous la couverture de son père et de sa mère, quand le garçon était sous la couverture de son père et sa mère, ils avaient la vie de leur père et de leur mère. C'est pourquoi le père et la mère sont capables de vous consacrer étant enfant à Satan par le canal des coutumes, par le canal des traditions. Ils sont capables de vous prendre, de vous amener là où ils adorent leur soi-disant Dieu. Ils vous consacrent. Et si on ne vous consacre pas aussi, là où vous adorez, étant déjà enfant de Dieu. Parce qu'il y a eu une première consécration. Et ce qu'on appelle, et ça se trouve dans ton sang. Et cette première consécration, pour qu'elle soit détruite, il faut également que toi, tu consacres ce département, ce domaine de ta vie à Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu ne peut absolument rien. Parce que c'est des lois spirituelles. Puisque nous lisons ça, la Bible dit. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Est-ce qu'il n'avait pas été d'abord consacré selon la loi de Moïse? Si. Maintenant, spécialement, l'enfant sera consacré à Dieu. Spécialement, l'enfant sera consacré. Il y a des consécrations spéciales, malgré que la loi le disait. Jésus lui-même, avant le début de son ministère, va consacrer son ministère, va faire 40 jours de jeûne. C'est pourquoi nous aussi, nous nous engageons maintenant. Tu dois faire une liste. Une liste. Je dis bien, tu dois faire une liste. Avec cette liste, et dans la liste, tu écris les différents domaines que tu dois consacrer à l'Éternel. Et cette consécration se fait comment? Puisque nous prions chaque soir pendant 40 jours, nous faisons des analyses bibliques et pendant 40 jours, tu vas énumérer ça. Je pense que Jésus faisait quoi? Pendant 40 jours seul, dans un endroit isolé, pendant 40 jours. Il a travaillé pour consacrer son ministère. C'est pourquoi le gars avait la victoire. Il avait la victoire, ceux qui voulaient le tuer. Aujourd'hui, les chrétiens sont tués comme des poulets. Les chrétiens sont envoûtés comme des poulets. Les chrétiens vivent. Il n'y a plus de différence. Or, Dieu dit, et vous verrez la différence entre entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il n'y a plus cette différence. Nous sommes encore sur la terre. Pourquoi Jésus-Christ va dire, vous aurez des maisons? Il y a des gens qui viennent, ils racontent des bêtises sur Facebook en disant, ah oui, vous ne faites que parler des choses de la terre, parlez-nous du ciel. Mais c'est ça le ciel, la nouvelle naissance, c'est ça le ciel. Quand tu es déjà né de nouveau, tu es sur le chemin du ciel. Et Christ, ce que Christ ne veut pas, c'est que tu retournes encore faire les mêmes choses que tu faisais auparavant, parce que tu es déjà délivré du système de ce monde qui est la malédiction adamique. Lorsque tu es déjà délivré de ça, c'est la rébellion contre Dieu. Et toute rébellion contre Dieu passe par les 10 commandements. Quand tu lis dans les 10 commandements, tu sais que Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, c'est interdit. Et dans chaque pays, il y a des lois qui interdisent certaines choses. Si tu essaies de toucher à l'une de ces lois, tu vas en prison. Et tu ne pourras pas me dire que je vais au ciel, je voudrais aller au ciel, et puis tu continues à vivre comme quelqu'un qui n'a pas reçu la parole de Dieu, qui n'a pas lu les 10 commandements, qui ne connaît rien de la parole de Dieu. Et tu fais ça sciemment, prétextant que, oh oui, j'ai la grâce. La grâce veut dire, je fuis ces choses. J'ai eu l'opportunité. La grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est ce qui est dit au sujet de la grâce dans le livre d'un Pierre. Ou bien c'est Tite qui le dit. Donc, il dit, la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce ne m'autorise pas de vivre dans le désordre. C'est pas ça la grâce. Mais les gens viennent vous dire tout simplement, oui, c'est la grâce. On n'a plus besoin de te dire, enseigne-moi pour aller au ciel, qu'est-ce que je dois faire? Tu as déjà. C'est ce que Jésus-Christ disait à l'homme riche. Il dit à l'homme riche, qu'est-ce qui est dit dans les 10 commandements? Il dit, j'ai observé tout ça. Il dit, vas-y et vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres et tu iras au ciel. Il était touché. Il était touché au fond de lui-même. Il est parti. Il est quitté de là avec des remords. Et Jésus s'est tourné, nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 10. Et Jésus se tourne vers ses disciples, dit, il serait vraiment difficile à quelqu'un qui a des biens. Pourquoi cette personne s'est confiée sur ses biens? Ça veut dire que ça ne veut pas dire que si tu as l'argent, tu iras en enfer. Et c'est là où il y a eu de mauvaises interprétations. Et les gens pensent que l'argent amène les gens en enfer. Ce n'est pas l'argent qui amène, c'est l'utilisation, ta façon de gérer cet argent. Lorsque Jésus-Christ dit à ce monsieur, il dit, va, vends et donne aux pauvres. Et le pauvre, c'est qui? Le pauvre ici, c'est plus le pauvre matériel, parce que quand tu reçois le Seigneur, tu ne dois plus être considéré comme quelqu'un qui est pauvre matériellement. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, on ne peut pas parler de pauvre normalement dans une église, non? Quelqu'un dans une église des nés de nouveau, on ne parlera plus de pauvre. Si on parle de pauvre, et si on constate qu'il y a des gens qui sont pauvres, c'est parce que réellement, la révélation au sujet de la consécration. Et consécration veut dire également ce que Jésus a dit à l'homme riche, va et vends tout ce que tu as. Et Jésus était tout simplement en train de dire à ce monsieur, va s'aimer. Et comme ça, quand tu vas me suivre, tu seras encore beaucoup plus riche matériellement. Mais il était touché, tout ce qu'il avait, il était attaché à ça. Lorsque la Bible dit, donne ton corps comme un sacrifice, c'est une sorte de consécration. Je consacrais ma vie à Dieu. Ça ne dépend plus de ce que je vois entre mes mains, que je vois des chiffres, j'ai de l'argent dans un compte bancaire, 1 million d'euros, 200 000 euros, 30 000 euros, 10 000 euros. Là, je sais que je suis béni. Non, ma bénédiction, parce que j'ai consacré ma vie à Dieu répond tous les jours. Consacrer veut dire être prêt aussi à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à ce que dit l'Éternel, à ce qu'il m'exige, à ce qu'il m'exige. Il m'exige de faire ça pour être béni, pour vivre longtemps. Il m'exige de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et maintenant, nous parlons de la consécration. Nous disons à tous ceux qui veulent effectivement entrer dans cette grâce. C'est une grâce exceptionnelle pendant 40 jours. 40 jours de prière. 40 jours de consécration. Tu fais la liste. Même là où il y a des problèmes. Des problèmes. J'ai tant prié pour ça, je n'ai pas obtenu. C'est parce que normalement, tu n'as jamais consacré ça à Dieu, ce domaine à Dieu. C'est pourquoi l'ennemi, les esprits méchants, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous avons une dame dans la Bible, elle s'appelle Anne. Cette femme, un jour, elle s'est mariée à un homme. Elle était deuxième femme. Anne, deuxième femme. Elle ne faisait pas d'enfant. Et la Bible rapporte que Anne, elle était menacée, torturée par sa coépouse. Sa coépouse se moquait d'elle tout le temps. Et je voudrais, parce que je pense que Nous devons s'appuyer sur la parole de Dieu pour dire certaines vérités bibliques. Anne, donc, de son côté, chapitre 1, il est dit, partagez la vidéo, ne passez pas le temps à regarder, c'est à partir d'aujourd'hui, nous entrons dans 40 jours de jeûne et de prière. Si tu ne peux pas jeûner, tu laisses parce que tu travailles, parce que tu es occupé, parce que. Mais ce sont les 40 jours de jeûne. Mais Jésus-Christ avait fait ces 40 jours de jeûne dans la prière. Ces 40 jours dans le jeûne et la prière. Si tu es vraiment capable, fais ce jeûne en mangeant des fruits. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre 40 jours sans manger. Donc, en mangeant les fruits, légumes et autres. Également, tu fais la liste des choses que tu dois consacrer à Dieu. Tu verras avant la fin de ces 40 jours, tu verras que Dieu a déjà exaucé. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaim et de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroam, fils d'Éhou, fils de, prenez ce que vous voulez. Et la Bible dit que il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Chaque année, ça veut dire plusieurs années. Le problème avait duré plusieurs années. Je ne sais pas combien d'années ton problème a réellement duré. Et la Bible dit, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices, il se prosternait et il donnait des sacrifices, c'est-à-dire des offrandes sacrificielles, comme ce qui est recommandé d'ailleurs dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 15 et le verset 16. Lorsque nous lisons ce verset, il est dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. La Bible est tellement claire. Nous lisons le verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Anne a fait ça également. Elle montait pour se prosterner, pour adorer Dieu. Et pendant les 40 jours, ce n'est pas qu'après les 40 jours, tu ne vas plus rien faire. Mais pendant les 40 jours, tu dois passer le temps à adorer Dieu, à l'adorer en chanson. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu écoutes les louanges. Je ne dis pas d'écouter les louanges. Non, toi-même tu chantes. Tu peux même être inspiré. Tu commences à placer des mots. Un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres. Ça, c'est, tu sacrifies ton âme. Tu sacrifies ton âme, ton esprit. Vous voyez, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 13, verset 15. Il dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. C'est pas que tu mets, par exemple, tu entres sur YouTube, et nous avons déjà tout ça sur YouTube, toutes les louanges que vous voulez. Vous mettez ça et vous dormez et ça tourne en boucle. C'est ce que font beaucoup de chrétiens. Mais écoute, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois chanter. Tu peux mettre ça en chantant, en dormant. Ton esprit va continuer à chanter. Mais toi-même, tes lèvres, si tu mets la louange en dormant, c'est ton esprit qui entre en contact avec la parole de Dieu. Mais ça ne sera plus le fruit de tes lèvres. Mais ce qu'il faut faire, pendant que tu es éveillé toute la journée, tu es dans la voiture en train de conduire, tu chantes les louanges. Tu chantes les louanges de Dieu, les louanges du Seigneur. Tu es au bureau, tu chantes les louanges du Seigneur. Fais ça pendant 40 jours, c'est la première vidéo. Demain, ça sera la deuxième. Après, chaque soir, nous sommes ensemble. Fais ça pendant 40 jours. 40 jours, nous entrons, c'est le premier jour aujourd'hui. Et toute la nuit, pas que tu ne dors pas, je n'ai pas dit, n'ai pas dormi parce que le sommeil est très important. Parce qu'il y a des gens qui se privent de sommeil parce qu'ils disent « Oui, j'ai prié toute la nuit et chaque jour je le fais. » Après, ils meurent, attaqués, par des maladies cardiaques ou bien des maladies, ceci, et son corps commence à s'affaiblir. Dieu a déposé le sommeil dans notre envie de dormir, dans notre organisme, sachant que pendant que nous sommes dans le sommeil, ton corps physique doit se reconstruire. Ce corps n'entrera pas au ciel, bien sûr, mais il doit être en bonne santé sur la terre. Mais si tu ne dors pas, ça veut dire que tu prives ce corps, il ne va pas se reconstruire, tu vas mourir. Et Dieu ne fera rien pour toi. Il ne peut rien faire. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils étaient en train de gêner un pasteur mal. Comment je peux qualifier celui-là? Il ne connaît pas le peuple périphérique de connaissance. Tu es malade et puis on t'impose un jeûne. Ça ne se fait pas. Tu es malade et puis le pasteur te dit va jeûner. Ça ne se fait pas. Ne jeûne pas. Parce que lorsque tu entres en jeûne, il y a des jeûnes thérapeutiques, bien sûr. Si c'est guidé par un technicien, pendant les 40 jours de jeûne, je vais enseigner sur tout ça. Je vais enseigner sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses également que les chrétiens ne connaissent pas. Par exemple, il y a des choses qui ne sont pas enseignées. Moi, j'appelle ça les choses qui ne sont pas enseignées dans la vie. Pendant les 40 jours de jeûne, je vais enseigner sur ça. La relation entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, la relation sexuelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans les couples. Les couples vont mal, les couples chrétiens vont mal aujourd'hui à cause de ça parce qu'on ne leur a jamais enseigné ça. C'est pas comment tu dois faire l'amour, mais comment tu dois te comporter. Qu'est-ce que tu dois faire? Avant le mariage, il faudrait suivre des filles qui ne veulent se marier parce que tu vas te marier demain, tu vas déranger le gars d'autrui, ou bien le garçon qui veut se marier, tu vas te marier demain, tu vas déranger la fille d'autrui parce que tu ne connais rien. Ton père, personne ne t'avait jamais enseigné quoi que ce soit. Et tu vas prendre la fille d'autrui, tu mets dedans, tu prends le gars d'autrui, tu entres dans sa maison, tu commences à l'embêter, tu seras la première à dire que oui, il fait commet l'adultère, fait ceci, fait cela, alors que c'est toi qui es la cause de cet adultère. La femme également, c'est pareil. Si la femme n'est pas satisfaite, que tu sois chrétien, nous vivons encore dans ce corps, le corps physique. Ce corps n'entrera pas au ciel. Mais le corps, Dieu a créé le corps. Le corps demande des choses, demande la nourriture, demande l'eau. Tu ne diras pas, on ne va pas boire de l'eau au ciel, on ne va pas manger le macabre au ciel, on ne va pas manger les patates au ciel. Mais sur la terre, on a besoin de tout ça pour vivre. Et si tu ne manges pas ça d'une manière équilibrée également, tu vas vivre, souffrir, tu vas souffrir, tu vas faire souffrir ton corps et ton corps sera faible. Faible pourquoi? Parce que tu ne manges pas des aliments adéquats pour que ce corps puisse vivre. Et c'est pourquoi je serai obligé de vous enseigner ça pendant les 40 jours. 40 jours. Et nous allons commencer par le commencement, la famille. Tu dois consacrer un corps. Tu ne dois pas consacrer un corps qui vit dans les erreurs, dans l'ignorance. Le peuple périphérique de connaissance, c'était le peuple de Dieu qui avait consacré leurs enfants au Seigneur. Mais ayant consacré, vivant dans l'ignorance sur certaines choses, tu vas périr, tu vas connaître des problèmes. Et c'est pourquoi je vous dis, nous commençons par là, puisque ça commence aujourd'hui. Nous allons adorer. Dimanche, tu dois quitter ta maison, tu viens au Temple des Nations et tu commences à adorer ceux qui regardent au Cameroun. Nous avons le Temple des Nations à Douala. Ils seront en contact direct avec moi demain, puisque c'est là en direct aussi. Nous avons le Temple des Nations à Yaoundé, nous avons le Temple des Nations à Pointe-Noire, nous avons le Temple des Nations à Libreville, nous avons le Temple des Nations à Paris, nous avons le Temple des Nations, nous avons le Temple des Nations, je peux compter jusqu'où. Parce que j'ai tous les enfants, tous mes enfants spirituels qui sont dans le monde. Même si leur église porte n'importe quel nom, c'est Temple des Nations, parce qu'il a reçu le Seigneur. Il a reçu le Seigneur dans ce ministère, va et raconte, qui est le ministère d'évangélisation. Donc il est né là, il a été enseigné là. D'autres sont partis dans la rébellion. Et je sais que un jour, Dieu va te toucher, tu vas te repentir et tu vas faire demi-tour comme le fils prodigue. Je prie pour eux tous, pour qu'un jour, parce que si tu meurs dans cette condition, c'est l'enfer qui est devant toi. Et je ne voudrais pas que tu ailles en enfer pour ne voir pas travailler en vain. Je n'ai pas envie de travailler en vain pour voir les gens qui iront en enfer finalement à cause du matériel sur la terre. Donc, tu dois commencer à offrir ce sacrifice de ta bouche. Ta bouche là, tu ouvres ça. Ne passe pas le temps seulement à écouter les louanges à la radio, les louanges à la télévision. Tu mets la chaîne de télévision, les chaînes de télévision qui parlent des louanges, qui parlent de ceci, qui parlent de cela. Non. Tu commences à chanter, même si tu commences à chanter dans ton esprit, le fruit de tes lèvres. Tu commences à chanter. Tu peux même, comme tu aimes écouter les louanges des païens là, tu enlèves pour que tu sois délivré de ça, tu enlèves les paroles des païens. Et toi, tu mets la parole de Dieu. Tu vas voir que tu fais ça, tu fais cet exercice pendant une semaine. Ton esprit va commencer à enregistrer et l'esprit enregistre ça dans l'âme directement. Tu vas commencer à chanter l'orange et la musique païenne ne va plus être enregistrée dans ton esprit. Ça, c'est le sacrifice. C'est ce que Anne faisait également. Nous sommes dans le chapitre 1er. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et on a dit tout à l'heure, sacrifice, il y a sacrifice de louange, il y a sacrifice matériel, les offrandes. Anne faisait tout ça, mais le bébé ne venait pas. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinée, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Qu'il avait rendue stérile, c'est l'Éternel, ce n'était pas un problème de sorcellerie. Et vous savez quoi? Il avait rendu stérile, pourquoi? Parce qu'elle est allée vivre avec. Elle est entrée dans le foyer, elle a pris le mari de quelqu'un. Dieu n'a pas créé Adam avec deux femmes. Dieu a créé Adam avec une seule femme. C'est la raison principale. Pourquoi l'Éternel avait rendu stérile? C'était la raison principale. Parce qu'Elkana avait une autre femme, la première. C'est celle-là qui passait le temps à mortifier, à détruire, à se moquer de cette femme. L'Éternel avait rendu stérile à cause de ça. Et lorsque ton corps n'est pas consacré, toi qui avais couché avec un mari, ton corps n'est pas consacré là. Même si tu pries, étant encore païen, tu avais couché avec un mari. L'homme, il était marié et tu sortais avec un homme marié. Tu ne consacres pas ton corps. Beaucoup de choses vont continuer. Des manquements. Des manquements. Tu vas demander des choses à Dieu. Tu t'es fait dévierger par une fille ou bien un garçon, vous n'étiez pas marié, c'est maintenant qu'il faut consacrer. Consacrer. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Elle faisait des sacrifices, elle donnait tout ce qui était, elle adorait l'Éternel. Mais l'Éternel n'écoutait pas. Cette histoire qui est racontée dans la Bible, ce n'est pas le fruit du hasard. Et la Bible dit que sa rivale lui prodiguait des mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale est utilisée par Satan. Vous savez, pour que Satan puisse envoûter un enfant de Dieu, il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser tes enfants. Il amène tes enfants à s'irriter. Il t'amène à s'irriter contre tes enfants qui sont devenus têtus, qui sont devenus bizarres. Il amène ton mari ou ta femme à poser, à dire des choses pour t'amener à s'irriter. Tu vas vivre avec des ressentiments dans ton esprit. C'est comme ça que les sorciers également dans la famille. Mais si ta vie est consacrée à Dieu, je dis bien, si ta vie est consacrée à Dieu, il sera difficile à un sorcier. Difficile à un sorcier, même s'il amène quelqu'un à s'énerver, amène quelqu'un à te pousser à s'énerver. Il ne pourra pas réussir. Tant que tu vas vivre avec les gens, que ce soit les enfants, c'est pourquoi la Bible dit si tu te fâches, que le soleil ne se couche. Parce que la Bible, qui est la parole du Dieu, sait que tu te fâches et tu te couches avec la colère, le sorcier qui t'a amené à se fâcher va te détruire, va détruire tes affaires, va détruire ta santé, va détruire ton argent, va détruire des choses. Et combien de fois toi tu t'es couché avec la colère? Combien de fois tu t'es couché avec des problèmes? Ton mari, ta femme, avec des voisins, avec des collègues de service, combien de fois? Alors que ton corps n'a jamais été consacré. Ton âme n'a jamais été consacrée. Ta vie professionnelle n'a jamais été consacrée. Rien dans ta vie n'a jamais été consacré. Tu n'as jamais fait une liste de consécration parce que chaque soir, nous allons utiliser un domaine que nous allons consacrer à l'Éternel. D'abord, quand on dit mariage, le mariage d'Adam était déjà béni. De quelle bénédiction il s'agissait? Dieu donne à Adam une femme parce qu'Adam était célibataire. Adam était célibataire et la Bible dit, il a vu Adam, il était malheureux. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui est semblable à lui. une aide. Il ne va pas prendre la terre comme il l'a fait avec Adam. Il a pris la côte pour créer la femme, pour fabriquer la femme. Il a pris la côte. Écoute-moi bien. Nous allons commencer à ce niveau-là. Peut-être là où tu es assis dans le foyer, ce n'est pas ta côte. Ou bien c'est ta côte, mais elle a été volée. Le voleur ne vient que pour voler. Elle a été volée. C'est pourquoi, dans l'émission de demain, 20h heure de Paris, nous allons commencer par là. Et ceux qui viennent à Paris vont le faire directement parce qu'après avoir consacré en parole, on devra passer par des actes prophétiques. Et si toi, tu me regardes seulement à la télévision, comment tu vas faire pour passer par, à part ceux qui sont à l'étranger? À la fin, je dirai également ce que tu dois faire. Mais si tu es dans la ville de Paris, si tu peux toucher Paris, c'est-à-dire tu es à Bruxelles, tu es ici, tu dois quitter pour venir, parce que là, tu vas boire le sang de Jésus après avoir consacré. Ceux qui sont à Yaoundé au Cameroun doivent également faire la même chose. Ceux qui sont à Douala doivent également quitter la ville de Douala pour aller là où se trouve le temple des nations. Vous allez lire l'adresse au-dessus de votre vidéo. Nous allons mettre les adresses de tous les temples des nations. Si vous nous suivez à l'étranger, vous commencez à chercher. Et les numéros de téléphone des pasteurs, mes enfants spirituels qui dirigent ces églises là-bas. Donc, il est nécessaire. La Bible précise que cette femme passait le temps à détruire. Voyez-vous quitter l'église avec la joie. Quand vous arrivez dans votre famille, il y a quelqu'un qui va vous énerver. Quelqu'un qui va vous énerver. Vous quittez votre maison avec la joie. Quand vous arrivez dans le lieu de service où vous travaillez, quelqu'un va vous énerver. Vous vous posez des questions. Mais qu'est-ce qu'il a avec moi? Il va vous énerver. Vous ne savez pas que c'est un sorcier. Vous ne savez pas que c'est un esprit qui peut utiliser cette personne pour vous amener à se fâcher. Et que lorsque vous allez vous fâcher, le sorcier va mieux vous abattre, va mieux vous détruire. C'est la technique que les sorciers utilisent dans la famille, premièrement, que les sorciers utilisent dans l'église, deuxièmement. C'est pourquoi ils vont utiliser également des calomnies. Vous lisez des articles, les gens se lèvent, commencent à écrire des articles pompeux contre les serviteurs de Dieu. Ils veulent que le serviteur de Dieu, parce qu'ils ont cherché ce serviteur de Dieu dans la sorcellerie pour le tuer, ils n'ont pas pu. Alors, quand ils vont dire des mensonges contre lui, il sera touché psychologiquement, il sera touché. Alors, si tu gardes rancune, là, quand ils vont revenir, ils vont te détruire. C'est ça le secret de la sorcellerie. Dans la famille, si tu vois quelqu'un qui t'énerve tout le temps, le mari qui t'énerve tout le temps, la femme qui t'énerve tout le temps, sache qu'il y a deux choses. Si elle n'est pas sorcière, elle est utilisée par les sorciers qui veulent te détruire, toi, le mari. Si ton mari n'est pas sorcier et que le mari parvient à t'énerver, il est utilisé par les démons. Par les sorciers, envoient les démons l'utiliser afin de mieux te détruire, afin de te neutraliser, afin de prendre. Mais lorsque ton foyer est consacré, lorsque ta vie est consacrée à Dieu, ils ne peuvent absolument rien. Mais lorsque ces choses-là ne sont pas consacrées, c'est-à-dire identifiées avant d'être consacrées, vous devez identifier chaque domaine. Dans le foyer, il y a plusieurs domaines. L'amour. Quand vous lisez 1 Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22, quand vous lisez Éphésiens chapitre 6 au sujet des enfants, vous allez comprendre que le foyer a beaucoup d'articulations. Vous devez les identifier et les consacrer. Pas dire tout simplement « je consacre mon foyer au Seigneur ». Non, qu'est-ce qui entre dans le foyer? Quelle est la relation que tu as avec... Qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Pour que le foyer soit en paix. 1 Corinthiens chapitre 7. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Mais dans les foyers aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est ces choses qui doivent être consacrées pour le mari de nuit. Parce que si cela n'est pas consacré, le mari de nuit dormant, toi tu dors derrière ou devant ton mari. Je ne sais pas quelle position tu occupes sur le lit. Derrière ou devant, ça vous regarde. Mais le mari de nuit viendra coucher avec toi. La femme de nuit, pendant que tu dors avec ton mari, la femme de l'homme, ça peut être la femme ou l'homme, hein? Parce qu'il y a des femmes sorcières qui ont des sexes masculins. Quand ils couchent avec toi, madame, dans le rêve, tu vois que c'est un homme. Tu vois parfois que ce n'est pas un homme. Ce n'est pas, la personne n'a pas de tête, mais il couche avec toi. Mais parfois, Il arrive que tu ne vois même pas la personne, mais tu as des sensations comme si un homme, une femme avait des rapports sexuels avec toi. Or, c'est de la sorcellerie. Si ton corps avait été consacré, ça n'allait pas arriver. Vous allez voir beaucoup de personnes également qui font des rêves, qui comptent beaucoup d'argent, mais en réalité, ils n'ont pas d'argent. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vivent dans un manquement perpétuel. Quand Dieu bénit, il te bénit une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, tu as un peu d'argent, demain, tu n'as rien. C'est parce que le domaine qui te donne des sous, l'entreprise que tu as créée, ou bien ton travail que tu as pris par le métier que tu as pris, n'a jamais été consacré. N'a jamais été consacré. C'est pourquoi vous devez identifier tout ça avant de se rendre au Temple des Nations. Et quand vous allez vous rendre, ce qu'on appelle l'identification, c'est une alliance de sang. Parce que vous allez boire le sang de Jésus et ça va entrer dans cette alliance de sang. Dans cette alliance de sang, il se sera scellé. Quand le sorcier viendra, il ne pourra jamais, dit jamais. Anne, qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour porter cette femme à stérilité. Parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était à la... Et si chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Chaque fois qu'elle montait, vous voyez que c'est la sorcellerie. Chaque fois qu'elle voulait aller prier, quand elle finissait ses prières, cette femme qui était sorcière, où elle était utilisée par les démons de malédiction, parce que ne sait pas Dieu, quand Dieu dit, Dieu prononce une phrase et le démon applique ça. Donc les démons amenaient toujours Anne à vivre dans les rancœurs, à vivre dans l'amertume. La Bible dit que elle pleurait. Alors elle pleurait, ne mangeait point. Elle, quand à son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Non, un homme ne remplace pas. Un homme ne remplace pas un enfant. C'est pas le... Dieu a dit de s'unir. Et après ça, vous aurez des enfants. Il n'a pas dit que le mari va remplacer. Vous voyez, c'est le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Il n'a pas dit la femme va remplacer un enfant. Mais lorsque le foyer n'a pas d'enfant, et c'est quelque chose qui est grave aux yeux de l'Éternel, lorsque le foyer n'a pas d'enfant, nous devons donc faire tout et tout pour que la grâce de ce Dieu continue à se manifester d'une manière particulière. Donc la consécration a une place importante. Il faudrait nous suivre tous les soirs à partir de 20h, heure de Paris. Parce que si vous n'avez pas consacré votre vie au Seigneur, un domaine de votre vie au Seigneur, il vous sera difficile d'avoir la victoire et même pas la guérison. C'est pourquoi beaucoup sont guéris parfois par Dieu, mais ils rechutent après. Ils rechutent après parce que le domaine, l'organe qui était malade dans leur corps n'a jamais été consacré. Est-ce que vous savez que votre cœur, le cœur qui bat, qui distribue le sang, doit être consacré? Vous savez que dans la sorcellerie également, les sorciers, les confréries des sorciers, quand ils doivent manger une personne en sorcellerie, ils se partagent les membres de ton corps, les organes de ton corps. Il y a un qui est spécialisé à prendre le cœur, l'autre est spécialisé à prendre le cerveau, l'autre est spécialisé à prendre le sexe. Lui, il prend le sexe parce qu'il va utiliser ton sexe dans la sorcellerie. Que ce soit le sexe de l'homme, que ce soit le sexe de la femme. Lui va utiliser ça. Il utilise ton sexe. L'autre a l'habitude de recevoir quoi? De recevoir les joues, de recevoir les yeux, de recevoir les oreilles. Ils se partagent. C'est pourquoi on vous dit que les sorciers mangent la chair humaine. Quand ils doivent partager ta chair, ils ont l'habitude de recevoir une partie de ton corps. Et si une partie de ton corps n'a pas été consacrée, étant chrétien de nouveau, sache que ils vont continuer à utiliser jusqu'à ce qu'ils te mangent, ils boivent ton sang. Pourquoi Dieu va protéger le corps de Moïse? Quand Moïse meurt, Dieu lui-même prend soin de protéger le corps de Moïse. La Bible dit que l'ange avait disputé le corps de Moïse avec le diable. Le diable voulait prendre. Et Dieu envoie un ange. Dieu envoie un ange lui-même protégé. Or, Moïse entendait la voix de Dieu, voyait une représentation. Quand Dieu parlait à Moïse, Dieu n'habitait pas dans son corps parce qu'il avait le péché originel. Dieu n'habitait pas dans son corps. Mais quand Dieu voulait parler à Moïse, Moïse voyait une représentation. Sur la montagne, Dieu était dans le buisson ardent. Et à tout moment, est-ce que Dieu a dit à Marie et à Aaron, lorsqu'ils reprenaient les deux, ils se sont rebellés contre Moïse, il dit, tant qu'il y aura des prophètes en Israël, ils n'auront pas une relation avec moi, comme ce monsieur, celui qui s'appelle Moïse. Écoute-moi bien. Moïse avait une relation particulière, mais le diable, après la mort de Moïse, le diable est allé diviser le corps de Moïse. Il dit, donnez-moi son corps. Parce qu'il y avait des alliances dans le sang de Moïse, le diable disait, donnez-moi, ça m'appartient, il m'appartient, lui-là m'appartient. Et c'est pour à cause de ces alliances-là que Moïse va rater l'entrée de la terre promise. Mais il est allé au ciel. Mais il a raté les bénédictions terrestres. Beaucoup d'enfants de Dieu, par manque de consécration, ratent également les bénédictions terrestres. Vous irez au ciel. N'est-ce pas, l'homme qu'on appelle Lazare est allé au ciel? Oui. Mais il est allé au ciel, mais ayant vécu sur la terre dans une pauvreté extrême, dans une misère extrême, dans une misère extrême. Vous devez absolument, je dis, vous devez absolument être là ce dimanche. Et chaque dimanche, dans une nation pareille. Nous avons 40 jours, 40 jours. Vous ne devez pas rater un seul jour. Chaque soir à partir de 20h, heure de Paris, cherchez à vous connecter. Même si vous avez raté, revenez et partagez aussi la vidéo. Cela est très important. Parce que nous voulons des millions de personnes qui vont suivre pendant 40 jours. C'est le jeûne de Jésus. Je n'ai pas dit d'aller faire le jeûne à sec et quand vous allez mourir, vous allez dire que c'est son qui a demandé. Je n'ai pas dit de faire ça. Si vous êtes malade, ne jeûnez pas. Si vous êtes malade, je parlerai de ça dans les prochains jours. Comment le jeûne biblique et le jeûne thérapeutique. Parce que moi, je suis formé dans la nutrithérapie, je suis également formé dans la naturopathie, je suis également formé, j'ai beaucoup, beaucoup de casquettes là où vous me voyez. Donc, vous voyez, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans le cœur, dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle avait consacré son cœur, elle priait, mais avec l'amertume. À partir d'aujourd'hui, enlève chaque amertume. Si quelqu'un t'avait énervé, enlève ça tout doucement. L'amertume dans l'âme, Anne a ouvert la porte. Elle ne pouvait pas consacrer sa vie au Seigneur. Un corps ayant l'amertume, ayant les ressentiments, une âme remplie d'amertume et de ressentiments, Dieu n'a rien à faire avec toi. Dieu n'a vraiment rien à faire avec toi. La Bible dit. Si tu te rappelles pendant la prière, pendant que tu trembles, que tu as quelque chose avec ton frère, laisse d'abord ton offrande, ne donne même pas d'abord, parce que Dieu ne va pas accepter. Va d'abord régler ton problème avec ton frère et tu reviendras donner à Dieu. Il y a des gens qui font des sacrifices à Dieu, donnent l'argent à Dieu, donnent ceci à Dieu, ayant l'amertume dans le cœur. Dieu ne peut jamais accepter ça. Donne ton corps comme un sacrifice saint. Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Saint et agréable, saint veut dire. Tu ne gardes pas rancune à qui que ce soit. Tu ne fais rien de mauvais. Donne ton corps comme un sacrifice. C'est-à-dire ce qu'on appelle la vraie consécration. Donc ici, Anne allait prier au temple ayant l'amertume dans le cœur. Il y a des gens qui sont même au temple, ils sont tellement méchants. Ils insultent les gens. Ils critiquent, il est assis là au temple, il critique le pasteur. Il critique la femme du pasteur. Il insulte la femme du pasteur. Il critique les brebis. Il critique tout le monde. Et il pense que il va au temple pour aller faire quoi? Voici la position. Pendant plusieurs années, Anne n'avait jamais été exaucée. Et pourtant, elle faisait des sacrifices. Il y a des gens qui me disent pas, moi je donne la dîme, je donne mes offrandes, je fais tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. Justement, pendant les 40 jours que nous engageons, Dieu va répondre à tes prières. Parce que tu vas faire exactement ce que je te dirai de faire. Tu vas faire ça exactement et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Dans ta vie. Je commence par l'enseignement parce que si je commence comme les autres le font, prier, vous priez avec les gens qui ont l'amertume dans le cœur, vous priez avec les gens donc qui n'ont jamais consacré leur cœur. On ne commence pas par la prière. On commence par enseigner. Il y a des conditions Tu dois d'abord remplir les conditions pour que Dieu écoute ta prière. Première condition, il faut naître de nouveau. Deuxième condition, tu dois commencer à consacrer tout département de ta vie au Seigneur. Et nous allons commencer demain avec le premier département qui est le mariage. Qui est le mariage? Je dis bien qui est le mariage, ne ratez pas après la sortie du culte. Vous arrivez 20h, il sera 19h au Cameroun. Il sera également 18h en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas aux États-Unis, qu'est-ce que ça fait? Vous devez partager. Partager les vidéos. Entrez sur Facebook, Docteur Tsala Isomba. C'est pas. Il y a d'autres également qui ont fabriqué leur. Mais ils ont fabriqué des comptes Facebook avec mes photos, avec ceci. Il y a au moins 15 comptes, je ne sais plus. Donc faites attention. Quand vous voyez Docteur Tsala Isomba avec plus de 5 000 abonnés, c'est là que je fais ça, c'est la page Docteur Salesson. Ça, c'est la page Docteur Salesson. Il faut vous abonner. Et vous cliquez de telle sorte que quand je suis en ligne, ça te signale directement qu'il est en ligne. Qu'il est en ligne. Ça, c'est un. Temple des Nations, notre chaîne YouTube Temple des Nations, pendant que je suis en train de vous parler, c'est également, ça enregistre. D'ici demain, la vidéo sera sur Temple des Nations. Pour que vous puissiez également regarder. Si vous ratez le direct, allez là-dedans. Vous vous abonnez également. Et puis, nous avons notre site www.lemondesurnaturel.net. Le monde surnaturel en un mot.net. Vous allez trouver également des vidéos dedans et beaucoup d'enseignements. Nous avons l'école biblique qui démarre en janvier, mais les inscriptions commencent la semaine prochaine. Et voici le site, c'est www.siloué-institut.net. Vous allez voir ça également. À partir de la semaine prochaine, le site sera disponible. Tout ce qui, il y a des métiers, une panoplie de métiers que vous pouvez. Les brebis peuvent également s'inscrire pour apprendre, pour étudier la parole de Dieu. Le combat spirituel. Très important. Le combat spirituel. Dans beaucoup d'églises, on enseigne que on n'a pas besoin du combat spirituel. On n'a pas besoin de la délivrance. Un chrétien n'a pas besoin de la délivrance. Or, c'est faux. Entrez là-dedans, vous allez voir ce que les apôtres ont enseigné. Ce que les apôtres ont enseigné, c'est pas ce que les hommes, parce que nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Lorsqu'un serviteur de Dieu n'est pas formé, lorsqu'il n'a pas reçu la révélation dans un domaine, ne passe pas le temps à les critiquer. La Bible dit, nous connaissons en partie. Mais il y a ceux qui se présentent, qui disent qu'ils connaissent tout. Ils disent que, voilà, si un enfant de Dieu n'a plus besoin de délivrance parce qu'il a reçu le Seigneur, faites attention avec ce genre de serviteur de Dieu, même s'il cache le feu, faites très, très attention. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Et on ne chasse pas les démons sur les païens. Lorsque la Bible dit ils chasseront des démons, ce n'était pas sur les païens. On ne va pas chasser des démons sur les païens. On chasse des démons sur ceux qui viennent de recevoir le Seigneur. Et le chrétien qui vit dans une ignorance quelconque, dans un domaine précis, le démon peut l'utiliser. Le démon peut vivre dans ton corps. Et pourtant, tu as reçu le Seigneur. Il peut vivre, continuer à être utilisé, à utiliser ton esprit. Parce qu'il y a encore des ténèbres dans ce domaine-là. Le peuple périt faute de connaissance. C'est très clair dans la parole de Dieu. Lorsqu'il y a encore des ténèbres, une ignorance quelque part dans un domaine précis, l'ennemi peut profiter de ça et les démons passent par là pour appliquer leur résolution. La Bible déclare que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui s'hasardent, qui viennent vous raconter des bêtises qui n'ont vraiment pas de sens. Faites très attention. Et les gens se plaisent là-dedans. Vous devez vivre dans la prière. Il y a des gens qui passent le temps à aller vous consulter les prophètes comme des féticheurs, des marabouts. Mais toi-même, tu dois être actif dans la prière. Lorsque nous allons entrer dans les détails en ce qui concerne le mariage, ce que nous devons consacrer au Seigneur, c'est comme ça que demain, on va consacrer également 20 minutes de prière après avoir enseigné. On consacre 20 minutes de prière à distance. Et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Et nous avons aussi, la retraite, on va annoncer ça demain, une retraite que maman a préparée. une retraite très très spéciale qui va prendre 3 jours ici à Paris, dans un hôtel. Et vous avez la chambre, vous avez tout ceci. Vous pouvez appeler également. Il y a le numéro de maman qui va s'afficher pour prendre votre rendez-vous et suivre également les modalités pour ceux qui vivent en Europe. Et moi-même, je serai également présent. Donc, demain déjà, demain soir, être connecté demain soir et demain matin, dimanche, chaque dimanche, vous venez au Temple des Nations Paris pour sceller votre alliance et pour donner également, pour identifier chaque domaine que vous allez donc consacrer au Seigneur. Et après avoir identifié, on boit le sang de Jésus et c'est comme ça que c'est scellé. Ça va se passer comme ça également au Cameroun, Douala, Yaoundé et partout. Et c'est comme ça que ce domaine sera scellé. La Bible précise, Anne priait dans l'amertume. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle était devant Dieu, mais avec l'amertume dans le cœur. Elle était devant Dieu avec l'amertume dans le cœur, écoutez. Mais Dieu n'écoutait pas du tout. Dieu ne pouvait pas l'écouter parce qu'elle avait l'amertume dans le cœur. Tant que tu auras l'amertume, les ressentiments dans le cœur contre les gens, l'amertume parce que Dieu ne me fait pas ceci, Dieu ne me donne pas cela, tu bloques tes prières. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand resteras-tu dans l'ivresse, fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. L'excès de ma douleur et de mon chagrin. Jusqu'à présent, malgré le nombre d'années qu'elle avait passées dans ce chagrin, dans tout ce ressentiment, dans cette douleur, Dieu ne l'écoutait pas. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ce que j'ai remarqué sur cette femme, elle ne s'est pas fâchée. L'homme de Dieu dit, tu es ivre, tu es rempli d'alcool. Mais si ça avait été les enfants de Dieu de ce jour, il allait d'abord dire, ce n'est pas un homme de Dieu, toi tu n'es pas un homme de Dieu, tu m'as insulté, tu m'as fait ceci, tu m'as blessé. Je suis traumatisé, l'homme de Dieu là m'a blessé, je suis tellement traumatisé. Voici ce qu'il a dit contre moi, je n'irai plus dans cette église. Et tu sors, tu frappes la porte. Ce que Anne n'a pas fait, Anne est restée. Elle a même appelé l'homme de Dieu mon Seigneur. Malgré, un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Il peut se tromper. Là, Élie s'est trompé. La femme n'était pas plongé dans l'alcool. Et l'homme de Dieu dit, fais passer ton vin. Combien de fois toi tu as gardé rancune à un homme de Dieu parce qu'il s'est trompé à ton sujet, sur quoi que ce soit, et tu dis, il n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas Dieu, s'il vous plaît. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, il peut se tromper. Le Saint-Esprit peut l'utiliser, Dieu peut lui cacher même des choses. Tu n'as pas besoin de le critiquer, de l'insulter. Oui, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas ceci. Et c'est pourquoi beaucoup de domaines dans ta vie ne sont plus contrôlés par le Saint-Esprit, ne peuvent jamais être consacrés. Parce que tu as passé tout ton temps à critiquer les hommes de Dieu. Tu vas d'une église, il y a d'autres qui sont à la maison aujourd'hui, ils ne vont plus dans les églises. Ils ne vont pas dans les églises. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu m'a énervé. Anne n'est pas restée à la maison. Un homme de Dieu m'a énervé et je ne vais plus là-bas. Un homme de Dieu m'a déçu. Ici, Élie avait déçu Anne. Mais elle a continué à dire mon Seigneur. Elle n'est pas restée à la maison disant, oui, ce n'est pas un homme de Dieu, je ne vais plus dans aucune église, c'est ça, c'est le diable qui ira en enfer. Je précise, tu iras en enfer. On ne suit pas Dieu, il faut persévérer dans la communion fraternelle. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41, 42, 43. Il persévérait dans l'enseignement des disciples, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la fraction du pain, dans la Sainte Cène. Il persévérait. On ne viendra pas te donner la Sainte Cène à la maison parce que tu me suis sur Internet. Vous avez des pasteurs Internet, des pasteurs Internet, des bergers Internet que vous appelez papa matin, midi, soir. Des bergers Internet. Qui n'est pas comme ça, il ne peut pas se présenter comme ça devant toi. Est-ce que tu as bu le sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus doit être bu. Matériellement, tu dois boire ça. Jean chapitre 6, à partir du verset 53. C'est lui qui ne boit pas. C'est lui qui ne boit pas. Est-ce que tu as déjà lu ça? Jean chapitre 6, à partir du verset 53. Est-ce que tu bois le sang de Jésus par Internet? Tu regardes par Internet tous les jours, tu es sur Internet, tu suis les prédicateurs à gauche, à droite. Tu vas souffrir comme ça, fatigué, fatigué. Tu meurs, tu iras toujours en enfer. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a créé l'église primitive. Le Saint-Esprit pouvait nous parler, nous enseigner dans nos maisons. Pourquoi Dieu voulait que les gens se mettent ensemble dans un endroit précis pour prier la communion fraternelle, le Saint-Esprit qui est plus puissant que votre Internet, pouvait nous maintenir à la maison et nous montrer toi à la maison. Dimanche, tu ne vas pas à l'église, tu dis l'homme de Dieu m'a énervé. L'homme de Dieu m'a énervé. Tu es normal? Je ne vais pas à l'église, tu chantes l'église, tu vas à gauche, tu vas à droite. Ton père spirituel qui t'a amené au Seigneur t'énerve et tu chantes l'église. C'est un homme de Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un homme de Dieu. Mais il n'est pas Dieu, s'il vous plaît. Faisons attention avec ce qui sort de notre bouche. Et tu vas continuer. Tu quittes l'église là où tu persévérais. Tu vas avec l'amertume. Tu vas persévérer ailleurs avec l'amertume. Tu penses que toi, tu pourras entrer au ciel un jour? Tu ne pourras jamais entrer au ciel un jour. Pas du tout. C'est impossible. Déjà, Anne ne l'a pas fait. Élie reprit la parole et dit, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie dit que ta servante, elle dit, Anne dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Pas aux yeux de Dieu, à tes yeux. Et pourtant, l'homme de Dieu l'a énervé. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire, elle a cru. L'homme de Dieu a scellé, consacré. En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, avec précision, pardon, tu dois identifier, si tu me donnes une entreprise qui fabrique quoi, si tu me donnes une usine, voilà les choses que tu dois écrire. Avec précision, si tu me donnes un enfant mâle, elle a identifié son besoin. Elle a identifié, après avoir réuni les conditions, elle vivait dans l'amertume et sa sorcière de rivale était utilisée par les démons de malédiction qui étaient en elle. Voulait l'amener toujours à s'irriter tout le temps. Écoute-moi, mais ce sont les démons qui sont en toi là. Qui utilisent tes voisins. Parce qu'ils ne veulent pas que tu crois. Ils ne veulent pas que tu suis. Ils vont utiliser ton mari. Ils vont utiliser tes enfants à la maison pour que tu n'écoutes pas. Pour que tu ne pries pas avec nous. Pour que tu n'entres pas dans les 40 jours. Ils vont te faire oublier le programme. Ils vont couper le net. Ils vont gâter le téléphone. C'est ce qu'on appelle la lutte, le combat. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ils vont faire tout et tout. Tu vas même dormir pendant que tu m'écoutes. Tu dors. Tu commences à dormir. Tu te déconnectes. Tu es vite dans une distraction des pensées. Ça va à gauche, à droite. Tu n'es pas concentré. Tu ne vas même pas partager. Pour commencer, tu ne vas même pas partager. Et toi, tu es là, tu es tranquille. Or, ça ne te coûte rien pour partager la vidéo. Tu ne vas même pas t'abonner d'abord pour commencer. Et tu ne sauras jamais que ce sont des attaques démoniaques. Pour que tu ne persévères pas. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui-là qui sera béni. Anne, lorsqu'elle a prononcé le mot consacré, si tu me donnes un fils, je le consacrerai. C'est là que Dieu va utiliser son prophète Élie. Directement, il va utiliser Élie. Directement, Dieu, elle a prononcé le mot qui manquait pendant plusieurs années. Le mot qui manquait dans ses prières, consacré. Consacré, je le consacrerai. Et pourtant, la loi disait que chaque Israélite devait consacrer au huitième jour son enfant. Mais elle dit, elle va faire une autre consécration qui dépasse ça. Qui dépasse cette consécration-là. Vous pensez que Dieu change? Vous pensez que Dieu change? Tu restes à la maison. Il faut rester. Ne viens pas dimanche au temple de nation. Ne viens pas, ça te regarde. Que ce soit l'un des temples de nation. Ne viens pas, que ce soit Paris. Ne viens pas, ça te regarde. Les gens vont venir. Ils vont consacrer. Ils vont énumérer ce qu'ils ont à consacrer. Et puis boire le sang de Jésus parce que c'est la finalité. Avec le sang maintenant, c'est la finalité. Ça n'a pas de délivrance. Et ça doit sceller une alliance, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc il faut d'abord identifier ce qui entre dans l'alliance du sang de Jésus et tu bois le sang et ça entre dans l'alliance. Si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas d'abord identifié, il n'y a pas d'alliance. Parce que l'alliance est deux parties. Tu as identifié quoi? Avant de boire le sang. Avant de boire le sang, parce que quand Dieu a envoyé le Jésus, nous allons voir ça demain dans les détails au sujet du mariage. Dans les moindres détails. Donc, je vous donne rendez-vous. 40 jours de prière. 40 jours de prière. Priez également pour moi. Priez, ouvrez vos bouches. Priez pour papa, pour sa santé. Priez pour la santé. Priez pour l'évangélisation ici. Le diable veut enlever ma vie pour que je ne continue pas à travailler. Parce qu'il sait que tant que je suis en vie, je serai toujours utile pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse donc. Faites tout ce que j'ai dit là, partagez les vidéos, s'abonnez sur tous les sites et surtout, que la grâce de Dieu soit sur vous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Demain, 20h, heure de Paris, n'oubliez pas. Allez également sur YouTube, la vidéo sera placée sur YouTube sous peu de temps. Et demandez à tous vos amis sur Facebook d'être connectés par la puissance du Saint-Esprit. Et demain matin, soyez des nôtres au temple de nation Paris, 8 rue des Gaillards, au 95 140, Gare Lyonnaise. Vous allez voir aussi les numéros de téléphone que vous pouvez appeler pour que vous puissiez sceller votre consécration au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.